dire que c'est de ma faute si on en est là. Car en vérité, en notre rupture, non, je ne crois pas. Et toi non plus, je crois, car je sais que tu m'aimes. Et lorsque tu voudras partir, n'oublie pas que moi, je vis.